Aguen toi jambier, non je sois ta bicyclette, t'es gagné pour faire de l'île la promenée. Mon divan qui t'a vanté, les étoiles vénitiennes, la cigale qui t'a chanté, pêcheur du soir. Souris qui fait tuit tuit, bien loin d'un mignon tambour qui t'a frappé. Dans tout de t'a contemplé, ça vient dans la nature. Ça c'est la vie de pigeon, c'est vrai pécé. Mais faut que nous t'allons, enfin qu'on t'a qu'à jouer. Tout à gagné qui gagne, le roi d'un promenade. Mais faut que nous t'allons, enfin qu'on t'a qu'à jouer.